Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de Plusieurs sur l'antenne du 94 MHz. Ça c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30 et des brouettes, ou à partir du blog asile35.blogspot.fr. Donc émission un petit peu particulière, émission en public. Bonsoir le public. Bonsoir, bonsoir. C'est un comité un peu spécial qui nous a rejoint, qui participera comme ils voudront, comme bon leur semblera, dans les sélections qu'on va vous proposer toute cette soirée. On va démarrer avec une vieillerie, à moins que vous ayez quelque chose pour votre défense. Ah non, vas-y, vas-y. Donc on va attaquer avec un groupe du début des années 80, les Débiles Mentholes. Le début d'émission est parfois un peu laborieux, j'ai toujours du mal à choisir une sélection pour attaquer, donc souvent je m'en remets au hasard. Donc ce disque a traversé mon chemin dans mon appartement, donc je vous propose d'attaquer avec cette musique un petit peu nouvelle, rock du début des années 80, réglée comme un coucou suisse, des musiciens de Neuchâtel qui ont enfanté le fameux Ensemble Rayé, puis pas mal d'autres projets également. On écoute un grand classique de l'Asile, le disque Ébile au jardin patrologique par les Débiles Mentholes. Et voilà donc une séquence pour démarrer les îles de cette semaine pour bien se mettre en jambes qui n'avait rien à voir les uns avec les autres. Une triplette donc de titres totalement décousus qui a démarré avec les fameux Débile Menthol et ce disque de 1981 que je vous avais pas passé je pense depuis à peu près 8 ans ou 10 ans, hein, quelque chose comme ça. C'est un disque bon, un petit peu fétiche pour moi et on a enchaîné avec les Horse Lords qui viennent de faire paraître cette cassette, excellente cassette, donc deux pièces de 20 minutes sur l'excellente marque de New York, Northern Spy. Le disque s'intitule Mixtape numéro 4, donc ils ont sorti deux albums à leur actif, le combo de Baltimore qui était en tournée très récemment dans l'Hexagone, comme me faisait remarquer mon camarade de co qui est à mon côté droit, voilà, et effectivement ils sont passés c'est notamment à Nantes au Café du Cinématographe et aussi à Paris. D'ailleurs, l'un de nos auditeurs fidèles que nous appellerons Monsieur Fab nous a fait un très beau report sur le blog de l'asile. Donc, le salut avec ce titre, bah, cette toute petite cellule. C'est donc une pièce de 20 minutes avec pas mal de sons trouvés à droite à gauche dans la grande tradition des mix. On peut appeler ça comme ça. Avec d'ailleurs aussi même un rappeur américain sur une des pièces et c'est vraiment très très bon, assez différent de ce qu'ils peuvent produire sur disque, mais vraiment excellentissime avec des sons de l'espace, et oui des vrais sons de l'espace à l'intérieur de cette cassette. Et on a terminé avec un saxophoniste que je suis pas à pas depuis 3-4 ans, il a à peu près 26 ans au compteur, lui aussi new-yorkais, Chris Pitsiokos, et un disque que j'ai trouvé le week-end dernier. Je pensais qu'il y avait uniquement son Chris Pitsiokos Unit avec le disque qui est sorti aux éditions Clean Feed qui était sorti ces derniers temps, et non, il a aussi sorti un disque en compagnie d'un quartet avec un titre totalement imprononçable, c'est pour ça que je vais me faire assister pour le nom de ce disque. Bon alors, je cherchais à dire le nom du disque en anglais, il s'appelle One Eye with a Microscope Attached. Bravo. Donc voilà, donc un nouveau quartet avec trois musiciens totalement inconnus des radars, le guitariste basse et électrique et le batteur. C'est vraiment très très bon, ça joue encore pied au plancher du début à la fin. On va continuer avec encore tout autre chose, puisque l'émission L'Asile est vraiment une émission de variété, avec Smegma, donc qui est le groupe de Portland qui a démarré vers 1971-72, qui ont commencé à produire de la musique impro bancale, un peu post-Biffert, un peu post-Zappa, avec beaucoup d'instruments fabriqués maison, un groupe qu'on a pu pas mal vous diffuser aussi dans L'Asile le plus sûr. J'avais fait une spéciale il y a de ça quelques années, qui doit toujours être disponible d'ailleurs sur le blog de l'émission, notamment à l'occasion d'un coffret qui était sorti aux éditions Vinyle en demande. Et le label de monsieur Emanuele Pinotti, Algamargen, vient de sortir une archive des pièces entre 73 et 74 de cette formation, avec des titres qui avaient été peut-être parus précédemment sur des cassettes, des éditions assez limitées. Donc là, c'est un petit peu plus disponible largement pour le grand public, on pourrait dire, et ça s'appelle Looking for You, et on que tu vas me prononcer de manière beaucoup plus Looking for You. Merci. Et donc on attaque avec une pièce peut-être un petit peu sinistrose, mais on aime ça aussi la sinistrose, donc on écoute le titre que tu vas nous prononcer aussi. Did you see? Merci. Oh, my God. Fire mushroom, living fossils, touch covering the planet, lightning, periphery, skin design pattern, fungi, body, we must follow the logic, resistance, bacteria, electrical fluctuation, stimulation, branching like distributing networks. Ha! How the networks pitch? What is the mycelium doing? Patching positions without exploding capacity response. So why do we fear bioelectrical communication? Volcanic rocks interchange interruption fluctuation. So why do we fear? We are trail followers, taking advantage of catastrophe. A raw plants. Signal. Minimum, all, maximum, volume, value, ocular processing. Fungal, beginning of another. Connected load. The notion of the step individual by step by step by is step obsolete. By. I am obsolete. I am a community. There is no I. There is no. There is I. No. Interdependent life, source, garden, deep soil, notion of brotherhood, sisterhood, shutdown, shapes and colors, squat, surfaces, spores, habitat. Thank you. donc une nouvelle séquence de trois titres enchaînés qui a démarré avec mes chouchous hein, depuis 12-15 ans que je connais la musique de Smegma et du Los Angeles Free Music Society, qui était le collectif qu'ils avaient rejoint quand ils étaient du côté de Los Angeles, figurez-vous, et puis après ils ont migré au milieu des années 70 du côté de Portland, Oregon, et puis toujours pour produire une musique totalement bancale et très biferto, impro déglingué. Là on écoutait une collection en fait de pièces enregistrées en 1973, donc à leur tout début sous le titre Looking for Ya, sur Algamargen, donc un vinyle qui est accompagné d'ailleurs par une autre publication d'un des membres de Smegma, le disque de Jusuk Rikmik. Voilà, ils ont des noms totalement imprononçables, c'est plutôt un collectif avec des surnoms façon le Magic Band de Don Van Vliet pour les gens de Smegma. Et on a enchaîné avec la musique de Miss Antigraï Ripati, alias Poème Produceur, alias AGF, et cinq pièces de Sound Art, certaines pour des documentaires, d'autres pour une manifestation sous le nom de Mialium, qui a été organisée par la radio Deutschland Kultur en avril dernier, une tambouille qui mélange mise en son, alors c'est ce qu'elle dit sur son blog, hein, Miss AGF, donc elle s'est inspirée en fait des fonctions vitales de certaines plantes qu'elle a mélangées avec des voix d'activistes du monde entier, donc un disque d'utopie sonore. C'est un EP qui est disponible sur son blog Bandcamp d'ailleurs sous le nom de Disoriented Mindsets. Et on a terminé avec la musique de Luc Younger alias Helm, qu'on a connu il y a longtemps dans le duo un peu Drone Noise Birds of Delay. On avait vu ça d'ailleurs aux instants chavirés, c'était dans les années fin 90, début des années 2000. Depuis, il a fait son petit bonhomme de chemin, et puis notamment pas mal de choses sous cet alias, avec des disques qui sont sortis notamment aux éditions Pan Records, le label de Bill Cooley Glass, également Kai ou encore Alter Records, qui est son excellent label sur lequel il produit des choses vraiment très très variées. Et habituellement sur son alias Helm, on a plutôt l'habitude de l'entendre sur des musiques électroniques un peu expérimentales, mais pas du tout dans ce genre de musique répétitive un peu lancinante, avec des boucles de sax qu'on peut retrouver sur ce EP sous le titre World in Action. C'est sorti sur The Trilogy Tapes. Voilà, très très bon disque de Helm. On va passer peut-être à l'annonce d'une manifestation assez singulière qui a lieu cette semaine à Rennes. Alors oui, rien à voir, je vais vous présenter des séminaires qui ont lieu vendredi et samedi prochain, organisés par la Maison de la Grève de Rennes et le site Lundi Matin. Du coup, ces séminaires sont intitulés « Contre l'état d'urgence, penser l'état du monde ». L'idée, c'est d'avoir des regards croisés sur la nature du pouvoir ici en France et la situation post-révolution arabe au Moyen-Orient. Alors, il va y avoir six intervenants. Le vendredi soir, Marie Goupy, qui est professeure à Paris 10, viendra nous parler de la naissance du concept d'état d'exception dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, notamment avec la pensée du juriste Carl Schmitt. Le samedi matin à 9h30, Serge Lama, qui est professeur de droit à l'université Paris 10, viendra nous parler de l'état d'urgence et nous fera un décryptage juridique de comment fonctionne l'état d'urgence. Ensuite, en fin de matinée à 11h30, Ninon Granger, qui est professeur de philosophie politique à Paris 8, viendra nous parler de la notion de guerre civile et de comment la construction de l'État s'appuie sur cette menace de guerre civile et cette fiction. Et l'après-midi sera réservé à un décryptage de la situation au Moyen-Orient. À partir de 14h, des amis syriens qui ont vécu dans le sud de Damas viendront nous parler du coup de la révolution syrienne. Après, Mai Youssef, qui est chercheuse à Noria Research, viendra nous parler de l'Égypte et de quelle est la situation depuis que l'armée a repris le pouvoir. Et pour finir, Yohanan Benyamin, qui est aussi chercheur à Noria Recherche, viendra nous parler de la Turquie et de la situation aujourd'hui en Turquie avec l'état d'urgence, la guerre contre les Kurdes à l'Est et les purges qui ont lieu. Et voilà, donc tout ça a lieu à partir de 18h30 vendredi à l'amphithéâtre d'Onzlo, qui est juste en face le CCAS Kléber. Et l'adresse, c'est quoi déjà? Ah oui, 6 rue Kléber, bon voilà. Et l'entrée est gratuite et vous êtes tous invités, voilà. Donc c'est à côté de l'hôtel Pasteur, vraiment sur les quais, hein, dans le hypercentre, cet amphithéâtre de la rue Kléber. Donc 19 et 20 mai, vendredi soir et toute la journée de samedi. Est-ce que vous avez prévu d'enregistrer, de mettre à disposition les interventions? Oui, on a prévu de filmer, d'enregistrer, du coup ce sera en ligne le plus rapidement possible. Voilà. Okay. Je pense sur le site lundi matin. Et du coup, ces séminaires font suite à des séminaires qu'on avait déjà organisés l'an dernier. C'est la seconde édition qu'on a organisée 3 mois après la déclaration de l'état d'urgence, après que des personnes de Rennes s'étaient fait assigner à résidence dans le cadre de la COP21. Et les enregistrements sont déjà en ligne sur le site de la Maison de la Grève et sur le site lundi matin où vous pouvez retrouver toutes les informations. Non, c'est maisondelagreve.boom.org. Voilà. Et lundi matin, c'est lundi.am. Qui d'ailleurs est paru en édition physique lundi matin. Voilà, édité par La Découverte. Et qui est disponible donc pour très peu d'exemplaires, donc il faut aller assez vite pour se procurer. C'est disponible au Fire, mais du coup, il y aura des exemplaires qui seront là et samedi. Ok. Bah, je te remercie, Co. On va continuer avec Pancras, quintette d'improvisateurs qui mélange des Français, des Britanniques et des Autrichiens. C'est le nom de l'église en Alsace qui est voisine de l'atelier de Lutry, de l'inventeur d'instruments à base de vielle à roue, Léo Morel. Et bah, tous les cinq, ils pratiquent une musique à base de boîtes à bourdons, de moteurs, de vieux orgues positifs ou négatifs, de radio et de cornemuses. Et c'est vraiment assez exceptionnel la musique qu'ils viennent de sortir en double vinyle aux éditions Penultimate Press. Donc une musique qui fait penser peut-être, je sais pas, au chaconne de Monsieur Moondog, mais avec un répertoire sonore totalement différent. C'est vraiment assez extraordinaire. Des pièces qui sont séquencées, des pièces de 20 minutes qui sont séquencées en différentes cellules. Donc on va en écouter juste une ce soir, mais l'occasion reviendra certainement de vous reproposer leur musique tellement elle est chatoyante. Voilà, on écoute ça tout de suite. Thank you.

petite séquence de musique à partir d'instruments fabriqués maison, avec tout d'abord la formation Pancras et son tout premier album, disque éponyme entre Arden Day, Prune Béchaud, Julien Desailly, Jan Gisecci et tout ce monde-là autour des instruments de Léo Morel. Excellent disque aux éditions Penultimate Press, un label pour lequel j'ai de plus en plus d'admiration vu les productions qui ne se ressemblent jamais et qui sont vraiment dans le domaine de la création sonore la plus fantabulesque. Pancras qui était enchaîné avec une nouvelle production du label de Vendeuvre Les Nancy, le label VDO Vendeuvre bien évidemment, et un nouveau disque de Fred Le Ginter avec ses instruments préparés. Alors il a été assez avare sur la pochette de ce disque, on sait pas du tout, il n'y a pas du tout de photos ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt un disque pour lequel il faut un peu imaginer les sons et les instruments qui les produisent. Donc ici il y a juste une photo à l'intérieur, mais pas plus d'explications, d'arguments en tout cas sur le contexte de l'enregistrement ou les différents idiophones utilisés. Disque qui s'intitule Le Bateau Feu, apparemment inspiré des bateaux qu'il a pu entendre sur les ports dans son enfance. Voilà, c'est ce qu'il nous raconte dans l'argument du disque. Donc pas mal d'inspiration autour du port de Dunkerque, sa région d'origine, et une musique toujours dans l'aléatoire. Lui qui déteste les musiques répétitives, synthétiques, qui fabrique ses propres instruments depuis les années 70. Frédéric Le Ginter. On va continuer avec des musiciens norvégiens, alors là totalement inconnus au bataillon. Je vais essayer de prononcer leur nom, tu vas m'aider Clem si tu veux. Tiens, je te laisse le plaisir de... Bjørn Atterud et André Ardenborgen. Attends, je te mets le micro parce qu'en fait t'as changé de place, vas-y. Bjørn Atterud et André Ardenborgen. Et le nom de l'album c'est... Tiens. Oui. Ben oui, Dalstroka Bortafor. Non, en fait, ce sont des musiciens qui sont sur un disque aux éditions Pika de l'excellent électroacousticien Lasse Marog, qui est un disque distribué d'ailleurs par les éditions Metemkin. Alors, tout est en norvégien sur la quatrième de couverture, donc ça nous simplifie vachement la vie. En fait, des musiciens qui sont activistes depuis 25 ans, apparemment en Norvège, qui joue notamment au sein d'Origami Republica et puis pas mal de projets comme ça, des collectifs de musique XP un peu free, et tous les deux ils pratiquent plutôt une musique un peu noise, un peu bruitiste, qui travaille sur l'accumulation de sources sonores. Donc on va écouter un extrait le début de la face A de cet excellent Dalstroka Bortafor, et je ne vous redirai pas les noms de ces deux là. Ha ha ha! Il moufte plus. Hein. Alors là, j'ai quatre auditeurs au casque devant moi, ça rigole pas. Avec ce duo assez incroyable entre Lasse Marogue, donc le producteur du disque qu'on écoutait au début, Pika Disque, c'est son label, les Björn Atterud et André Borgen qui étaient enchaînés avec un disque sous le nom de Close Up pour Abbas Kiarostami qui a été publié par les éditions Audiographic Records dont s'occupe Ken Vandermark qui est le gars qui queen, voilà. Dans le fond là. Oui Gilles, ne t'éloigne pas. Ça continue. Et donc bon, très très très beau disque, hein, une pièce de 40 minutes enregistrée à la station Mir d'Oslo le 24 mai 2016. Voilà qu'on se le dise. On va continuer avec un disque de Free parce que l'horloge tourne. Et un disque publié aux éditions Intact Records, le label suisse dont s'occupe Irène Schweitzer. Et on va retrouver dans un nouveau quartet le trompettiste Peter Evans aux côtés de trois musiciens totalement inconnus au bataillon, un saxophoniste Wanja Slavin, un bassiste Peter Edel et un batteur Christian Lindlinger. Et le disque est vraiment assez incroyable. On va écouter le premier titre de cet album et de cette formation sous le nom de Amok Amor, le nom du disque qui est c'est vraiment très très réussi, c'est presque une tuerie, je dirais. We know, not we don't. Non, we know, not we do. Voilà. Voilà, donc on écoute un extrait de ce Amok Amor tout de suite dans l'Asile Obscur. Mm-hmm. Je vois la mine réjouie de mon camarade de Gilles. Je me dis que ça devait plutôt déménager ce disque de Amok Amor, ce trio berlinois rejoint par Peter Evans. Apparemment, avant, il jouait sous le nom de Starlight Trio du côté de Berlin. Et c'est un disque qui vient de paraître aux éditions Intact Records sous le nom We Know Not What We Do. Voilà, donc très très beau disque CD. L'ensemble est vraiment incroyable. Ça a été enregistré en 2016 et début 2017. On se quitte dans quelques minutes. Juste peut-être une petite séance d'agit-prop, si tu veux, Co. Oui, juste le temps de faire le rappel pour les séminaires. Donc, on a eu vendredi et samedi, vendredi 19 et samedi 20, à l'amphithéâtre d'Onzelot, juste à côté de l'Institut Pasteur, en face du CCS Kléber, 6 rue Kléber. Séminaire intitulé contre l'état d'urgence, penser l'état du monde, où il sera question de l'état de sécurité, l'état d'urgence et la situation au Moyen-Orient, organisé par la Maison de la Grève et sur lundi matin. Et vous pouvez trouver plus d'infos sur le site de la Maison de la Grève, maisondelagreve.boom.org. Et le site de lundi matin, lundi.am. Donc voilà. Cette semaine, vendredi 19 et samedi 20. Et entrée libre. Mondiaux diffusion à partir du site de la Maison de la Grève.boom.org. On se quitte avec un dernier titre qu'on va écouter de manière très, très hachée. Juste une petite séquence de cet extrait. excellent disque de Helen Arkbro, qui est une sound artist de Stockholm. C'est son premier disque qui vient de paraître aux éditions Subtext sous le titre For Organ and Brass. Apparemment, c'est quelqu'un qui a travaillé aux côtés de la Monte Young et ça s'entend. Un disque donc en intonation juste pour orgue et différents instruments avant, et c'est vraiment très très très réussi ce disque de Helen Arkbro, que vous pourrez peut-être écouter en version élargie d'ailleurs à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Et je remercie mes camarades qui m'ont accompagné sur toute cette émission, et on va écouter cette dernière séquence qu'on dédiera à nos amis, voilà, et puis très très belle nuit, très très belle semaine à tous, à bientôt.